si, faut être une Amazon pour survivre. Ça crie à l'aide, mais des guns pointent merde. Ils entendent tous, mais restent sourds à l'appel. Tu sens cette odeur, l'envie et l'aigreur, elle est palpable. La haine, je pourrais la prendre dans mes bras. Ici, la nuit, ça graffe et ça deal, ça fume, ça boit jusqu'au coma idyllique. La nuit, ça rappe dans les halls, le verbe et la prose, le break et un zeste de hip-hop. La nuit, ici, les comptes se règlent. Pas de bons amis, tout pour le business. La nuit, c'est une ville qui change de visage. Les regards s'assombrissent, les regards sont hagards. Fais gaffe, à chaque coin de ruelle, le danger est là. Détourne-toi ou affronte-le, mais fais gaffe. La nuit, ici, le chétan te guette, prêt à te faire du mal. Malheureusement, man, le vice nous attend. Ici, la nuit, elle nous tend les bras, tel le firmament. La nuit, ici, le chétan te guette, prêt à te faire du mal. Malheureusement, man, le vice nous attend. Ici, la nuit, elle nous tend les bras, tel le firmament. La nuit, ici, les problèmes s'enchaînent. Un coup de feu retentit, un problème qui s'éteint. La nuit, ici, on marche, espérant trouver une issue à ce cauchemar. À la vue de tout ce qui se passe, le long de mon échine coule une sueur froide. Entre les bavures de la police, tous ceux qui se font justice, la frontière est mince, de la bravoure à l'hypocrisie. La nuit, ici, les bitches sont à l'affût, prêtes à dépouiller le premier jambon qui mordra à l'hameçon. Le crédule prime à la survie des rapaces déguisés en barésie. Ici, c'est dormir le jour et charbonner la nuit. Et si je te décrivais mes nuits, elles se transcrivent. À quoi bon se mentir par bribes de rimes, rimes cruelles. La nuit, ici, le chétan te guette, prêt à te faire du mal. Malheureusement, man, le vice nous attend. Ici, la nuit, elle nous tend les bras, tel le firmament. La nuit, ici, le chétan te guette, prêt à te faire du mal. Malheureusement, man, le vice nous attend. Ici, la nuit, elle nous tend les bras, tel le firmament. La nuit, ici, c'est aussi les bons plans, les délires, les soirées entre potes, les plans cul aux madones. La nuit, ici, on fait tout pour ne pas penser au demain qui arrive. La fuite, la fuite. À croire qu'on est tous en cavale et le pire c'est qu'on reste assis. Les pièces scotchées au ciment, pas d'une pour danser, pas d'une pour rêver. Reste plus qu'à braquer des vies, à faire n'importe quoi. Le système t'attrape et te broie. On se croit plus malin à pouvoir passer au travers. Ce n'est qu'une question de temps pour se retrouver, les menottes au point. La nuit, ici, elles sont toutes semblables. On vit, on rit, toujours entre semblables. L'intolérance s'exprime sur le physique comme sur le mental. En cavale car la nuit est cannibale. La nuit, ici, le chétan te guette, prêt à te faire du mal. Malheureusement, man, le vice nous attend. Ici, la nuit, elle nous tend les bras, tel le firmament. La nuit, ici, le chétan te guette, prêt à te faire du mal. Malheureusement, man, le vice nous attend. Ici, la nuit, elle nous tend les bras, tel le firmament. La nuit, ici, le chétan te guette, prêt à te faire du mal. Malheureusement, man, le vice nous attend. Ici, la nuit, elle nous tend les bras, tel le firmament. La nuit, ici, le chétan te guette, prêt à te faire du mal. Malheureusement, man, le vice nous attend. Ici, la nuit, elle nous tend les bras, tel le firmament.